porte des chaussures à 100 euros. Au moment de passer à la caisse, on sort l'American Express. D'autres enfants vivent en Chine et ils fabriquent dans des usines des chaussures à 100 euros pour des enfants de 100 kilos. Des enfants souffrant de famine, des enfants au fond de la mine, des enfants sans vitamines et d'automne à la cocaïne. Faites-en des enfants, faites-en aujourd'hui, vous la montrerez comme le monde est joli. Faites-en tellement, vous l'apprendrez combien ça coûte une vie d'enfant. Des enfants de 100 kilos portent des chaussures à 100 euros. Au moment de passer à la caisse, on sort l'American Express. Des enfants jouent au couteau en périphérie de Mexico. Les enfants des favelas qui jouent à leur propre lutte des classes. Des enfants en Ouganda, en Éthiopie, en Angola. Des enfants qui se demandent pourquoi ils ont un fusil sur les bras. Comme ce monde est joli, faites-en des enfants, faites-en tellement, vous la apprendrez comme on achète une vie d'enfant. Des chaussures à 100 euros. Au moment de passer à la caisse, on sort l'American Express. Les enfants qui ont leur village, dont les ordures et le gaspillage mangent les déchets colossaux. Des enfants de 100 kilos, des enfants d'Asie du Sud-Est et des enfants des pays de l'Est qu'on utilise comme marionnettes, qu'on peut retrouver. Faites-en des enfants, faites-en aujourd'hui, vous la montrerez comme le monde est joli. Faites-en des enfants, faites-en tellement, vous la apprendrez comme on respecte une vie d'enfant. Faites-en des enfants, faites-en tellement, et vous la apprendrez, car rien n'est plus beau qu'une vie.